À l'occasion du 105e anniversaire de naissance du président Kim Il-sung, l'Institut pour le désarmement et la paix du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a publié samedi un rapport commémoratif en synthétisant les données de recherche sur la partie de la contribution du président à l'œuvre pour réunir le climat extérieur favorable au pays parmi ses exploits pour la réunification de la patrie. Le rapport précise que le président a développé le soutien et la solidarité internationaux pour la ligne de la réunification de notre patrie. Il indique notamment « Le président a présenté les lignes et orientations les plus justes pour l'unité nationale et œuvré dynamiquement pour obtenir du soutien et de la solidarité internationaux. La triple charte de la réunification de la patrie qu'il a proposée est le grand guide équitable, juste et rationnel, acceptable pour tout le monde. » Le président Kim Il-sung a livré les dynamiques activités extérieures pour développer davantage le soutien et la solidarité internationaux envers notre ligne de réunification nationale. Grâce à ses activités extérieures énergiques et sa direction éclairée, de nombreux chefs de parti, d'État et de gouvernement, ainsi que les illustres personnalités politiques et sociales, ont exprimé soutien et sympathie absolue au projet coréen pour la réunification. Le rapport précise, avec les données à l'appui, les exploits du président qui a réuni le climat pacifique en rejetant les forces étrangères et l'ambiance favorable à l'unité nationale en réduisant la tension et assurant la paix dans la péninsule coréenne. Le rapport fait part également des exploits du général Kim Jong-il et du dirigeant suprême Kim Jong-un pour faire honneur aux exploits du président Kim Il-sung et d'ajouter « Mettre sur pied une puissance réunifiée prestigieuse et prospère sur ce sol, en continuant le vœu et la volonté noble et patriotique du président et du général, c'est la détermination immuable du dirigeant suprême Kim Jong-un. Grâce à sa présence, les recommandations du président et du général en matière de la réunification de la patrie finiront par être réalisées. »